Et pas mal, j'ai fait le système avec les deux doigts, comme ça je rate pas mon enregistrement. Ouais. C'est pas si mal. Eh hey, hey, on peut faire un petit cling-clong. Cling-clong. À l'ancienne. Ouais, ouais. Seuls les vrais savent. Ouais. On boit pas pour s'alcooliser, on boit parce qu'il fait chaud. Ça n'a rien à voir. Et on a plus d'eau, on est en récession. Je sais pas, les gens ils savent. Ah, t'as pas. Plus d'eau? Je sais pas, je vais m'en. T'as besoin d'aide? Non, ça va aller. Tenaille, ça fait plaisir de se retrouver. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va pas est-ce trop que, mal. Est-ce que tu remontes la pente? Parce que la dernière fois, je t'ai laissé un petit peu. Ouais, je t'ai laissé un petit peu. Tu sais, le temps fera son effet. Bah oui, le temps fait toujours son effet. J'espère quand même que t'arriveras à me pardonner, car je. Ah, je t'en voudrais pas pour ça, t'inquiète pas. Bon. Est-ce que tu. On y va? Est-ce qu'on se lance un petit générique? Oh ouais. Bon, bah. Je te laisse faire le générique. Alors là, attends, faut que ça soit un peu hardcore. Non, j'ai plus de voix, non, je fais rien. Ok, bah c'est pas grave. Générique. J'ai plus d'énergie. Il est mort de rire. On se retrouve pour parler d'un groupe que j'ai déjà vu au Hellfest. Au Hellfest? Ouais, c'est pas très original. En fait, que j'ai déjà même chroniqué. C'est pas très original non plus. Si, un peu plus déjà. Ouais, et que un groupe que je voulais revoir parce que entre le moment où je l'ai chroniqué et vu, le groupe a un peu implosé et pour moi, c'était plus le même groupe. Ok. Juste du fait de leur popularité ou même dans leur musique quand même? Non, parce que musicalement, je trouve qu'ils avaient changé. Ouais. Ils avaient changé quelque chose. Ils avaient franchi un cap, peut-être une étape, et musicalement, c'était plus tout à fait la même chose qu'ils, qu'ils proposaient. Est-ce que tu vois de quel groupe je veux parler? Tu parlerais peut-être bien de Turnstile. Effectivement, on va parler de Turnstile. Normalement, j'aurais dû dire c'est le nouveau titre de Turnstile parce qu'au moment où on a décidé de faire ces capsules, et ben ils venaient de sortir le morceau et en fait depuis ils en ont ressorti deux autres parce qu'ils vont bientôt ressortir un album. Donc Turnstile qui est un groupe de hardcore groovy ou oui non t'es pas donc hardcore groovy, punk hardcore, pop hardcore. C'est vrai que moi j'ai tendance à considérer que c'est un groupe de pop hardcore moi. Parce que je trouve que leur style, c'est d'avoir transformé du hardcore en un truc qui passe partout et qui est écouté un peu partout. En fait, si tu te focalises que sur les albums de Turnstile, tu peux arriver à ce que tout le monde écoute ça en mode ça passe. Tellement, tellement c'est calibré, enfin pas calibré, mais même la prod, elle fait que c'est pas violent quoi. Oui, oui, la mélodie, oui, elle est. Pas... Et puis il y a plein de sonorités dans l'avant-dernier album Glow, si je dis pas de conneries, où t'as vraiment des sonorités un peu électro, un peu pop, un peu même, enfin ça fait des images très très très pop qui viennent parler à tous les gens, même ceux qui écoutent pas du hardcore. Et en fait, la principale nuance, elle va être sur le live, mais on va en reparler plus tard. Donc, groupe américain qui est déjà venu deux fois au Hellfest en 2016 et en 2018. Donc, moi, je les ai vus qu'en 2018. Et quand je les avais chroniqués, ma première remarque, ça a été de me dire, c'est un bon groupe de hardcore, mais je voyais pas le plus. À l'époque, le concert que j'ai vu de mémoire n'était pas aussi fou que ce qu'ils peuvent proposer maintenant en termes, ça m'a pas. Il y avait déjà un petit peu ce côté mélodie pop. Alors ça devait commencer à arriver parce que pour j'ai eu envie de les voir, il fallait quand même qu'il y ait une petite particularité. Oui. Et pour moi, en fait, je pense que c'était à l'album de la transition, donc ça devait être à l'album Time and Space. Moi, je devais être donc au deuxième album studio. Ça devait être à ce niveau-là où c'était un peu en mode encore. Pas totalement, ils avaient pas totalement, on va dire que c'était pas encore un papillon. Ah, d'accord. D'accord, tu vois. Il était encore dans son petit cocon. C'était pas non plus une chenille. C'était pas une chenille. Il était un entre-deux et il allait sortir. Il commençait à annoncer quelque chose, mais c'est vraiment avec Glowhorn, c'est Glowhorn, tu vois, en 2021 qu'ils sont arrivés et qu'ils ont tout pété, quoi. Ils ont vraiment tout pété. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire du groupe. Il se passe pas forcément grand chose. Ils sont formés à Baltimore en 2010. Ils ont sorti un EP en 2011. Voilà, ils font les trucs classiques de base. Ils font leur musique. Ça marche bien dans les trucs de hardcore. Ils gagnent leur street cred. Ça marche bien. Apparemment, les gens aiment bien. Il y a pas non plus, il y a à un moment donné le départ d'un guitariste. J'ai pas arrivé à avoir beaucoup d'infos, mais il aurait eu peut-être quelques embrouilles avec le batteur. Enfin, il y a dû avoir un truc. En tout cas, il a été dégagé du groupe. Ah merde. Okay. Depuis un petit moment. Il a été d'abord remplacé par un guitariste de studio, et après, il a été remplacé par une autre guitariste pour les sessions live, qui était dans un autre groupe un peu arrêté. Aujourd'hui, elle est totalement dans le groupe, parce que là, dans l'extrait qu'on a mis du dernier morceau, dont j'ai déjà Never Enough, ouais, elle est dans le clip, et sur les affiches qu'ils ont annoncé la future sortie du nouvel album, elle est marquée comme étant bien présente. D'accord, j'avais pas fait gaffe, il y a une fille dans le nouveau line-up. Voilà, maintenant il y a une fille, elle est intégrée au groupe, elle en fait partie. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que moi j'avais vu un peu d'interview avec elle, et elle expliquait qu'elle était elle avait tourné avec un de ses précédents groupes, elle avait tourné avec eux. Donc elle avait pris les numéros et tout ça, ils avaient discuté, et en fait à un moment donné, je sais plus à quel moment, ils avaient dû avoir une discussion par message, et elle dit que elle serait partante si un jour il y avait besoin de remplacer quelqu'un dans le groupe ou pas, je sais plus, et un jour le chanteur lui a dit si ça te dit, on part en tournée là, viens. Ah ouais. Et du coup elle a arrêté ce qu'elle était en train de faire parce qu'elle était dans le groupe. Alors faut vraiment, je ne dise pas de conneries parce que c'est un peu marrant. C'est où que j'ai marqué ça qu'elle était, elle était là. Côté du smiley. Non, c'est pas du tout. C'est pas ça. Marrant à ce point-là. Non, c'est pas ça. C'est pour te dire. Si, parce que tu vois que c'est un petit peu amusant. Ah là là, j'ai un petit peu manqué de temps pour. Elle était dans le groupe. Ouais, le groupe qui porte le nom de. Ah, c'est moi, j'ai Poppy Chubby, mais je suis pas sûr. Ah. Donc. Merde. Ça avait l'air d'être une info importante, mais t'es pas sûr. Non, marrante plus qu'importante. Marrante, ah, ouais, elle est marrante parce qu'elle était dans. Oh, je vais pas le retrouver. Du moment qu'elle est pas chiante, t'as. Non, mais. D'attendre, si je suis en attente. Non, mais en fait, elle était dans le groupe Poppy and Chubby pour moi. Ok. En fait, je suis pas sûr du nom du groupe, c'est ça qui me bute. Ouais. Non, c'est pas ça le nom du groupe. Mais en gros, c'est le groupe qui a annulé il y a pas longtemps leur venue au Hellfest. Ah ouais, d'accord. Voilà, elle était dans ce groupe-là, mais elle y était plus quand elle a rejoint Turnstile. Ok, d'accord. Merde. Donc, ouais, je me suis perdu dans mes notes et c'est pour ça que je l'ai plus. C'est dommage pour elle. Bah non. Elle aurait pu faire deux scènes. Non, parce qu'elle avait quitté le groupe pour rejoindre Turnstile. Ah donc, oui, non, ok. Voilà, donc bon. Hein. Ok. Donc parce qu'au début, elle était vraiment marquée comme musicienne de tournée, alors que maintenant, elle fait partie intégrante. Elle fait partie intégrante du groupe. Et donc ce groupe, qui était un groupe de hardcore à la base, a fait une légère transition vers un mode, comme je disais, un peu plus pop, qui rendait leur musique accessible à plus de gens. Et ils ont aussi pas mal augmenté, je trouve, le côté visuel pour s'éloigner un peu de la scène hardcore, tout en gardant dans leurs clips ou dans leurs vidéos des moments où te montrer que le live, par contre, ça reste une tuerie. Parce que quand j'avais suivi le groupe, donc je te dis, j'avais été voir en concert, j'avais trouvé ça bien, mais pas ça complètement fou. Mais en même temps, en Warzone, le groupe, il est tellement loin des barrières que c'est la folie peut être un peu limitée. Tu vois? Oui, il y a un truc. Oui. Et du coup, j'en suis resté là. Et j'écoutais un certain Floodcast. Ça parlera à la violence, ça, je crois. Ça parlera à des gens qui écoutent aussi. Et dans le Floodcast, ils avaient dit qu'en groupe de l'année 2022, il y avait Turnstile. Et là, je me dis, mais quoi, mais Turnstile? Comment ça se fait que. Tu sais, j'étais même en mode, mais comment ça se fait que j'ai pas l'info? J'avais zappé que je connaissais le groupe. Ah, ok, d'accord. Ça m'était sorti de la tête. Et donc, j'ai été réécouter et j'ai vu des lives. Et là, c'était un truc de folie furieuse où vraiment, c'est de la bagarre partout. Ça monte sur scène dans tous les sens. Ça saute et tout ça. Le groupe a implosé. C'est devenu un énorme groupe d'un coup. Il a monté à tel point qu'il devait revenir au Hellfest en 2023, si je dis pas de conneries. Et ils ont annulé parce qu'en fait, ils étaient tellement en train de monter. Entre le moment où ils ont signé ou pas, ils ont dit au fait c'est plus cher pour nous avoir. Et que le Hellfest a dit non, donc c'est pas la peine de venir. Ouais, et donc du coup ils ont pas été blacklistés pour autant, ou alors ils ont laissé tomber 2024, ils reviennent en 2025, quand ils sont peut-être revenus en disant en fait nos tarifs maintenant c'est ça. J'ai dit d'accord, vos tarifs c'est ça, mais c'est. Mais après. Voilà, donc il y a eu un l'offre et la demande. Voilà, il y a eu un petit couac comme ça à ce moment-là. Ils étaient annoncés et finalement ils sont pas venus. Des fois un groupe peut monter en flèche très vite. C'est ce qui s'est passé parce qu'il a vraiment tout pété avec ça. Il a eu trois nominations. Je crois même qu'il a eu trois Grammy Awards, ou en tout cas au moins trois de nominations pour deux des titres. Vraiment ça tu le voyais, t'entendais le groupe partout, tu le voyais partout, ils sont venus jouer à Paris, c'est un vrai, en fait c'est le groupe qui a trouvé sa recette et qui s'en sert, qui a compris maintenant ce qui marchait Et ça fait que ça marche de malade, quoi. C'est plus le petit groupe. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais vu une interview où on demandait à un des membres, maintenant que vous êtes devenu si gros, c'est impossible de revenir à un concert dans une petite salle, ou un concert où même il n'y a plus de barrière, parce que leur particularité, c'est de ne pas avoir de barrière. Tu sais, les scènes de hardcore, il n'y a pas de barrière. Ouais. T'as la scène, elle est au niveau de tes genoux, tu lèves un peu, tu montes sur scène, tu sautes dans le public. C'est là, et ben, au bout d'un moment, quand tu grandis en statut de groupe, il y a commencé à avoir des barrières. Après, c'est un petit peu le revers de faire augmenter ses tarifs aussi, quelque part, parce que du coup, peut-être des petits festivals pourraient être complètement ouverts. Et puis, ils disent que c'est pas vrai, en fait. Eux, ils pourraient retourner vers des concerts comme ça. Après, effectivement, la salle pourrait peut-être pas se le permettre, ce genre de choses. Ouais, ou faudrait qu'ils baissent leurs tarifs aussi. Enfin, j'imagine, du coup, tu vois, par exemple, on les verrait bien dans certains festivals, peut-être qu'ils pourraient pas se permettre, tout simplement, j'en sais rien. Mais ils le font encore, parce que quand tu regardes des lives sur Internet, tu peux voir que, justement, il y a des petites scènes, enfin, ou des scènes un peu plus petites, en tout cas, où il y a encore le bordel partout sur scène. Ouais. Et moi, je me souviens que dans un épisode de Road to Hellfest, je vous avais dit, tiens, regardez, mais c'est ce groupe-là, Turnstile, qui est un truc de folie. Quand tu dis aussi gros, c'est une tête d'affiche, Turnstile, ou? Là, Turnstile, ils sont en tête d'affiche, ouais. Ah ouais. Je crois, tu me fous le doute, tu me fous le doute. Bah, tiens, ça me fait bien plaisir. Ah non! Eh ben, pendant que je suis en train de regarder, ouais. Donne-nous ton avis sur Turnstile, parce que c'était une découverte pour toi. Ah oui, bah, complètement. Découverte, hardcore, bon, ok. Allons-y. Mais allons-y, voyons. Mais bon, dès les premiers titres, je fais putain, c'est cool, ça rejoint ce que tu disais, on sent pas côté agressif, quoi, les mélodies, le rendu, ça passe d'affiche. Trop bien. Tête d'affiche. Non, puis en plus le chanteur, il a une putain de bonne voix. Hein. Ouais. Franchement, je la trouve Oui, mais justement, il est pas du tout en mode hardcore, tu vois, ils ont transformé ça hurle de temps en temps, mais je veux dire, c'est pas hurler en mode souffrance, machin, c'est mélodieux, c'est non, moi j'ai plutôt bien apprécié en plus. Et puis c'est vrai que derrière, du coup, je découvre un petit peu les lives et tout ça, et là je fais waouh, c'est quoi cette fête. C'est pour ça que je t'avais dit de regarder, tu vois. Ah ouais, non, mais là, alors tu vois, par contre, je suis complètement passé à côté des clips. Ouais. J'ai regardé que des lives. Alors dès que c'était trop gros, bon, j'ai regardé quand même, hein, mais c'est vrai que tu t'es plus dans le même délire, quoi. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que tu te dis, mais attends, mais moi j'ai regardé quasiment tout. En me disant, c'est obligé, il y en a un, il va se faire rentrer dedans, ça va être c'est obligé. Ouais, t'as vu ça? Non. S'il y a eu un seul moment où il y a un mec, il arrive devant le chanteur, il chope le chanteur, il voulait prendre le micro, et le chanteur, il s'est barré à l'autre bout du truc pour continuer sa chanson. Est-ce que t'as vu le concert où il commence, le chanteur, il se met de face à la batterie? Ouais, de c'est celui-là, ouais. Et après, il part, et il fait un saut périlleux avant la foule. Oui. Ouais. Et ça s'arrête jamais, hein. Non, ça s'arrête jamais. Et là, tu te dis, wow, le délire. Et tu vois, et malgré tout, là, tu pourrais dire, c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, ils ont atteint le niveau où, quand ils sont sur une grande scène, ils la remplissent quand même. C'est pas la même folie, parce qu'il y a la distance un peu, mais ils la remplissent quand même. En plus, et tout le public est fou, parce qu'il y a vraiment un truc qui s'est créé. Ça se trouve, les gens, ils doivent être un peu frustrés. Je pense. Oh, j'ai envie d'y aller. Voilà, tu vois. Après, bon, il faut juste qu'ils foutent le bordel devant. Il y aura juste une crash barrière entre deux, et puis c'est tout, quoi. C'est presque ça, que de se dire, les voir en tête d'affiche en Warzone, ça va être top, et qu'ils vont forcément assurer, mais que t'aurais presque envie de vivre ces moments-là où ils sont proches. Ça donne trop envie d'y être. Ouais. Par contre, ouais, quand tu les vois, ils sont tous la banane, ils sont là, ils sautent et tout. Après, on n'est pas à l'abri, hein. Moi, on a déjà vu des Warzone remplis, hein. Ouais. Moi, j'ai déjà vu plein de fois le public monter sur scène, hein. Ah ouais? Bah, en soirée, sur les derniers concerts, ouais. J'ai une photo, je sais pas si je l'ai encore là, parce que ça arrive régulièrement avec les concerts de Suicidal Tendencies, où ils font monter du monde sur scène. Ouais. Ça, c'est un classique. Mais il y a d'autres groupes que j'ai vus. Est-ce que je vais la voir, la photo? Ah voilà. Ça, c'était le concert de Every Time I Die. Je te laisse regarder. Bah tiens. Ouais. Enfin là, ils sont juste pour la photo, lever les bras, faire un coucou, parce que ils sont pas tous. Non, c'est moi qui fais la photo. Ah, c'est toi qui as dit, faites-moi un coucou. Mais non, là, je suis en haut de la Warzone, là, je suis en haut, je fais une photo de loin. Mais en fait, non, ils sont en train de jouer, regarde, les musicos, ils sont là. Ils sont sur les gens. Regarde, là, il y a le chanteur qui est là. Là, t'as zoomé, là, je vois mieux, là. Voilà, tu vois. Ouais, non, mais le délire. Ah, tu vois, et ça, c'était un concert de fou, et ça pourrait encore arriver, oui, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, le problème, c'est que là, pour que ça arrive, il faut que les gens, ils escaladent, ils viennent, ils jettent dans le vide. Enfin, c'est un peu le bordel. Ouais. Mais bon, mais je pense que ça sera fou. Et tu vois, c'était pour ça que c'était un peu l'immanquable de la bagarre. Ah oui. Donc Turnstile. Ouais, ouais, donc, ouais. Mais donc... je peux comprendre, hein, là, par contre. Mais alors... tu comprends aussi, du coup, quand t'as écouté musicalement, ouais, tu comprends aussi pourquoi Bob était un peu en mode, je comprends pas pourquoi t'aimes bien, tu vois, il me disait. Oui, le... oui, oui. Bah, le côté accessible, un peu, bah, peut-être pop. Comme bah, tu moi, disais, moi, je dis hardcore pop parce que je ouais. trouve qu'ils ont vraiment pris un accent de ce que, tu vois, tu... on parlait ouais, en. Est-ce que c'est parce que t'entends pas de, d'agressivité ou de brutalité que tu dis que c'est le côté pop? Parce que, en fait, c'est un hardcore gentillet et tous les hardcore gentillets sont pas forcément catalogués en pop, alors. Bah, alors je disais pop parce que si on prend l'album Glowing, je te dis, les transitions qu'il y a entre les morceaux, c'est vraiment des trucs de. Des trucs très axés, ouais. pas du tout hardcore, quoi. Le chant est pas hardcore non plus. Ouais. Et que même la prod fait que les morceaux, même quand c'est un peu bourrin, c'est vachement écoutable, quoi. Ouais, ouais. Après, bon, faut pas oublier qu'on a toujours tendance à vouloir catégoriser. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être une veine hardcore, mais c'est vrai qu'ils sont inventifs. Enfin, tu vois, c'est vrai, leurs morceaux sont super cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. Super cool. Alors bon, on peut dire gentillet. Moi, je sais pas ce qui m'a tout de suite sonné à l'oreille. Parce que après, déjà, je suis moins forcément à l'écoute de tous les trucs un peu hardcore. Et tout. Bah oui, mais justement, toi, qui n'aimes pas du tout le hardcore, tu t'aurais pas forcément dit, bah, c'est du hardcore au début, je pense. Si t'avais écouté que sur album, t'aurais peut-être un peu fait, oh, bizarre votre hardcore. Ouais, t'aurais regardé ouais, un live, oui, t'aurais oui. dit, ah, d'accord. Oui, oui, tu vois, oui. Non, mais carrément. Ouais, on est d'accord. Donc, mais c'est un groupe qui a fait une transition vers ce côté-là, qui lui a ouvert d'autres portes et qui, justement, lui a peut-être aussi permis de trouver son identité unique à lui. Et c'est. Ouais, c'est ça, je pense. Parce que quand tu vois toute l'écoute, ben, tu reconnais leur style, ouais. leur façon de faire et tout. Et tu vois doucement, tu vois, parce que le premier album, moi, je le trouve pas intéressant du tout, mais assez peu intéressant, classique, sans ouais. être trop hardcore, sans être... mais tu vois l'évolution vers ce qui vont arriver, ouais. et le résultat, on peut ne pas être client ou pas. Oui, c'est sûr. Durant que ça reste quand même une démarche toujours, tu sais, je pense que il y a toujours ce côté-là qu'on aime bien aussi dans les groupes, c'est ce côté un peu sincère, qui se laisse aller vers un truc qui leur correspond, qui leur colle. Ils ont trouvé, je pense, leur étiquette. Bah, et je pense. Maintenant, elle est assumée, et en plus, ça marche fort, et puis, quand tu vois et que t'écoutes, c'est compréhensible. Après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien des trucs un peu plus rentre dedans. Ouais. Et dans toute leur disco, ils en ont des morceaux qui rentrent bien dedans quand même. Ouais, il y en a. Toujours en a. Avec le smile, quoi. C'est toujours vrai. Avec le smile. Ouais. Du coup, t'irais les voir? Ouais, je pourrais aller les voir, ouais, carrément. Bon, bah, je pourrais suivre carrément, pour aller, avec le smile, secouer un petit peu. Le smile allait se taper sur la goule. Ouais, je dirais, enfin, j'ai pas vu beaucoup de. Non, mais c'est dans l'idée. Ouais, ce que tu veux dire, ouais. Oh, bon. Bah, il y aura beaucoup de personnes frustrées devant, donc ça se peut que, oh, je veux aller là-bas, moi. Bon, bah, du coup, on ira accompagner la bagarre, alors. Ouais, carrément, ouais. Bah, bon, on fait ça. Merci beaucoup, Tonai. Bah, de rien, avec plaisir, toujours. À la prochaine. Bisous.